tout juste un mois, une étude franco-américaine montrait que des chiens pouvaient sentir l'odeur des crises d'épilepsie. Au-delà du caractère surprenant de cette étude, il s'agit d'une nouvelle piste dans la recherche en matière de prédiction concernant cette pathologie aux origines très variées qui fait encore figure de maladie complexe à cerner. Avec environ 600 000 personnes épileptiques en France et près de 60 millions de personnes dans le monde, cette maladie invalidante et souvent stigmatisante constitue l'un des champs de recherche les plus actifs en neurologie. Que l'on aille chercher du côté de la génétique, du fonctionnement neurobiologique ou encore de l'imagerie cérébrale, la recherche se bat pour lever le mystère de la mécanique des crises épileptiques et mettre en place de nouvelles thérapies soulageant les personnes souffrant de ce que l'on surnomme encore le grand mal. Épilepsie, la mécanique des crises, c'est le panorama neurologique que nous allons tenter de dresser dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous guider sur les chemins sinueux de la compréhension de l'épilepsie, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Éric Le Guerne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de l'équipe génétique et physiopathologie de l'épilepsie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et professeur à la faculté de médecine de Sorbonne Université. À vos côtés, Antoine de Police. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurobiologiste, directeur de recherche à l'INSERM et responsable de l'équipe synchronisation et modulation des circuits neuronaux épileptiques au Grenoble Institut des neurosciences. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez nous écouter comme tous les jours sur votre poste de radio, mais aussi sur franceculture.fr ou bien sur votre application de podcast. Et pour consulter les articles, les livres, les podcasts qui nous ont aidés à préparer cette émission, vous pouvez nous suivre en direct sur notre compte Twitter, @laméthodefc. Et pour commencer, je vous propose de faire un petit tour dans le passé et écouter cette archive de 1953. Je vous rappellerai brièvement qu'un épileptique peut être prévenu ou non de l'imminence de sa crise et que lorsque celle-ci survient, le début en est brutal. Le malade perd connaissance et on passe successivement par les trois phases classiques des contractions toniques, puis des contractions cloniques et enfin de relâchement musculaire que caractérise la phase stertoreuse. Quand le malade recouvre ses esprits, on constate la perte de tout souvenir de la crise avec des orientations dans le temps et dans l'espace. L'ensemble de la crise dure environ un quart d'heure. Néanmoins, ceci n'est qu'un des grands types cliniques sous lesquels s'extériorise le mal commissial. Alors que dans le cas que nous avons traité, l'ensemble de tous les muscles volontaires prend part aux différents processus qui caractérisent l'épilepsie généralisée, dans l'épilepsie Bravais-Jacksonienne, qui s'oppose schématiquement à la forme précédente, les contractions se localisent dans un territoire musculaire donné ou diffusent peu. La science a bien évolué, Antoine de Police. Vous voyez ouvrir de grands yeux. Qu'est-ce que ça nous provoque comme réaction? Je crois qu'on a tendance, comme vous avez dit dans votre introduction, on associe souvent l'épilepsie à grand mal, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs formes d'épilepsie. C'est un ensemble de maladies avec des formes qui peuvent être très variées, des crises qui peuvent être très variées. Alors, les crises grand mal, c'est peut-être 20% des épilepsies. Beaucoup d'épilepsies se traduisent par des modifications comportementales qui peuvent être très bénignes, que quelqu'un de l'extérieur peut ne pas percevoir. Par exemple, ça peut être des émotions très fortes pendant les crises, ça peut être des mouvements automatiques très discrets qui peuvent passer inaperçus, ça peut être aussi des absences, des pauses dans ce que fait l'individu. Alors on va revenir sur cette grande variété qui concerne les différents types de crises épileptiques. Éric Le Guerne, je voudrais savoir si, comme dénominateur commun finalement à l'épilepsie, il n'y a pas cette notion clé de crise. Ah ben oui, par définition, l'épilepsie, c'est la récurrence, la répétition de crises épileptiques. Alors, comme l'a déjà bien dit Antoine de Police, il faut différencier un certain nombre de crises. Il y a les crises généralisées, et dans ces crises généralisées, vous avez la crise grand mal qui vient d'être très bien décrite. Vous avez aussi, dans ces crises généralisées, donc qui intéressent l'ensemble des neurones du cortex, vous avez la crise d'absence qu'on appelait aussi à l'époque le petit mal. Et puis, en face de ces crises généralisées, vous avez des crises qui n'intéressent qu'un sous-groupe de neurones dans différentes parties du cortex. Et là, comme l'a dit Antoine de Police, on va avoir des manifestations qui vont être très variables et qui vont être fonction de la localisation de ce qu'on appelle le foyer épileptique. Antoine de Police. Je crois qu'il faut aussi prendre en compte que ce sont des maladies, avant tout, avec comme symptôme principal une crise. Donc, comme vient de le définir Eric, mais avec souvent un ensemble de comportements, ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des manifestations qui peuvent être des troubles cognitifs, qui peuvent être des troubles psychiatriques, par exemple une dépression ou un fond dépressif. 50% des personnes épileptiques. Et ça va faire partie du tableau clinique d'une maladie, d'un syndrome qu'on dit épileptique, parce qu'il y a des crises. Mais et ça, je crois que c'est une dimension sur laquelle on a fait beaucoup de progrès ces dernières années pour prendre en compte la globalité de la maladie. Parce qu'entre les crises, il y a souvent des symptômes qui ne sont pas toujours faciles à vivre pour les patients. Oui, on va rentrer dans le détail de ces différents types d'épilepsie. Est-ce qu'il y a des formes plus fréquentes d'épilepsie que d'autres, Éric Le Guerne? Oui, il y a des formes. Alors donc il y a ces formes généralisées qui correspondent à peu près à une trentaine de pourcents des épilepsies. Il y a aussi les épilepsies focales qui sont aussi fréquentes. Et surtout, ce qui est important pour le médecin, c'est qu'il y a des crises qui sont plutôt pharmacosensibles et qui restent des crises qui sont dites pharmacorésistantes. Et on les évalue à peu près, ces épilepsies pharmacorésistantes, à une trentaine de pourcents des patients qui sont suivis pour épilepsie. Alors comment on en vient à diagnostiquer une épilepsie, Antoine de Police? Quel est le protocole, c'est le job des médecins, des neurologues qui vont orchestrer en quelque sorte les différents examens. L'examen de base, ça va être l'électroencéphalogramme, c'est-à-dire l'enregistrement de la somme de ces activités électriques. C'est une technique qui a plus de 50 ans, hein, qui a été utilisée pour l'épilepsie, mais aussi pour les maladies du sommeil ou de troubles de la vigilance, etc. Et cette technique, qu'on abrège par EEG généralement, va permettre d'enregistrer une crise et donc d'avoir la signature épileptique de cette crise. Et là, selon que la crise, comme vient de dire Eric, est généralisée ou va venir d'une région particulière du cerveau, cette signature électroencéphalographique va être très différente. Éric Le Guerne, qu'on soit bien d'accord et qu'on le rappelle, tout le monde peut faire une crise d'épilepsie dans sa vie sans forcément être épileptique. Alors oui, par définition, l'épilepsie, c'est la récurrence des crises d'épilepsie. Il faut au moins faire deux, voire trois crises d'épilepsie, parce que on a tous une susceptibilité à faire peut-être une crise dans certaines conditions, par exemple privation de sommeil, abus d'alcool, et là il y a une crise, mais qui ne se renouvellera pas. C'est au bout donc c'est lors d'une répétition de crise que là se pose le problème donc d'une épilepsie. Alors pour compléter peut-être ce que vient de dire Antoine, il y a aussi depuis plusieurs décades une catégorisation, ce qu'on appelle en médecine une nosologie des crises, et vous avez des crises qui sont très bien identifiées, donc le neurologue, devant surtout des accès stéréotypés, va penser à l'épilepsie, hein. Et ensuite c'est vrai qu'il y aura un certain nombre d'examens complémentaires avec l'électroencéphalogramme, mais aussi dans certains cas l'imagerie, qui vont pouvoir de préciser l'étiologie de l'épilepsie. Ces étiologies sont très variées. Alors, Antoine de Police, ces étiologies, elles sont très variées. Il y a aussi quelque chose qui a une grande importance, c'est l'âge dans la survenue de la première crise d'épilepsie. Alors, pourquoi est-ce que cet âge a de l'importance et qu'est-ce que ça nous permet de déterminer dans la prise en charge des personnes épileptiques? Alors, là aussi, dans la classification des syndromes épileptiques, puisqu'on parle donc de différentes maladies, de différents syndromes, l'âge de survenue des premières crises est fondamental. Ça va être un des éléments qui va permettre de faire un diagnostic plutôt qu'un autre. Le jeune cerveau, c'est-à-dire le cerveau au cours des premières années chez l'homme, mais aussi chez l'animal, parce que l'épilepsie n'est pas réservée à l'homme, on reviendra là-dessus, mais on trouve des animaux qui sont naturellement, spontanément épileptiques, dans la nature comme dans nos laboratoires, eh bien, le jeune cerveau a une propension à faire des crises plus élevées qu'un cerveau adulte. La probabilité de démarrer une épilepsie est plus élevée au cours de la maturation cérébrale, c'est-à-dire cette lente mise en place de l'architecture cérébrale qui dure à peu près 20 à 25 ans chez l'être humain. Et par contre, on va retrouver une augmentation de cette propension à faire des crises chez le cerveau vieillissant, souvent secondairement à des maladies qui peuvent être des démences, qui peuvent être également des accidents cérébrovasculaires ou des traumatismes, qui peuvent justement déclencher, être une des étiologies, c'est-à-dire une des causes de l'épilepsie. Alors, Éric Le Guern, on le comprend, on peut développer un syndrome épileptique dans la jeunesse, au cours de la vie, quand on est un peu plus vieux, selon la nature de la maladie épileptique dont on est atteint, le pronostic est variable. On peut être aussi épileptique toute sa vie, mais aussi avoir un syndrome épileptique qui se résorbe, ou avoir des syndromes épileptiques qui sont limités dans le temps. Comment ça se passe? Oui, là, tout dépend de l'étiologie, et je pense que l'effort pour classifier ces épilepsies, ça a aussi été un effort pour comprendre le pronostic. Et en particulier, bon, il y a eu un grand travail clinique et clinico-électrophysiologique, par exemple sur les absences, sur les épilepsies généralisées. Et on sait d'une part que la plupart de ces formes sont pharmacosensibles et que dans certains cas, c'est les absences en particulier qui débutent chez l'enfant, eh bien, peuvent à terme donc diminuer en fréquence et des fois, dans certains cas, céder. Antoine de Police, il y a quelque chose aussi d'assez complexe en matière d'épilepsie, c'est que les symptômes peuvent être extrêmement variés. Alors comment on arrive à établir une espèce de grille de lecture de ces différents types de crises et de manifestations épileptiques? Ben, une fois de plus, il y a l'EEG qui permet de faire une grille. Ce qui m'a un petit peu frappé, un petit peu choqué dans le reportage que vous avez montré tout à l'heure, c'est la durée de la crise. Une crise est très brève. Très brève. C'est quelque chose qui va durer 1-2 minutes maximum. Au-delà, on va parler de quelque chose de plus compliqué, on va parler d'état de mal, c'est-à-dire qu'avec des crises qui vont revenir comme ça sans que le patient reprenne conscience. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. La plupart des crises peuvent durer de 1-2 secondes à 1 ou 2 minutes. Donc c'est un événement qui est très bref. Comme l'a dit d'ailleurs la personne dans l'archive, qui va survenir souvent de façon tout à fait inattendue. Donc soudaine, et qui va s'arrêter tout aussi soudainement. Donc ça, déjà, on peut dire que la durée de la crise, sa signature électroencéphalographique, le comportement qui est associé à cette signature électroencéphalographique vont permettre de classifier, en quelque sorte, de diagnostiquer la forme d'épilepsie dont souffre le patient. À cela va s'ajouter les comorbidités associées, donc d'où la nécessité de discuter avec le patient et sa famille. Il s'agit souvent d'enfants, donc la famille va être très important. Et là, j'aimerais faire une petite note aussi, c'est que vous avez dit il y a à peu près 500-600 000 patients qui souffrent d'épilepsie en France, mais je dirais, moi, il y a pratiquement 2 millions de personnes qui sont concernées au quotidien par l'épilepsie, parce qu'il y a tout l'environnement familial qui va vivre ça, et comme c'est une maladie dont on ne parle pas, qui ne vont pas en parler à l'extérieur ou très difficilement. Et y a une véritable souffrance par rapport à ça qui va suivre le patient pendant toute sa vie. Oui. Puisque certaines formes d'épilepsie se résorbent, comme l'épilepsie absence dont a parlé Eric, mais pas toutes, malheureusement. Et ça veut dire, pendant toute la vie, vivre avec cette peur au quotidien, avec ce médicament qu'on prend, avec les effets secondaires du médicament, parce que autant on peut dire qu'un bon tiers d'épilepsie sont soignés, je dis bien soignés, grâce à des médicaments qui permettent d'éviter de faire des crises, mais il y a aussi un bon tiers de patients qui souffrent des effets secondaires associés à ces médicaments, qui sont souvent inévitables. Un médicament qui marche bien, il fait plein de choses. En particulier la vigilance. Et en particulier sur la vigilance, les capacités cognitives, plus plein d'effets secondaires au niveau cutané, au niveau prise de poids, etc. Donc, On va revenir justement à ces questions de traitement. Éric Le Guern, pour qu'on continue un petit peu dans l'approche et la compréhension de ce qu'est une crise d'épilepsie, comment se divise une crise d'épilepsie type dans le cas, par exemple, d'une crise épileptique généralisée? Quelle phase traverse la personne qui en souffre et comment ça se passe? Alors, ça dépend du type d'épilepsie généralisée. Dans le petit reportage, l'archive, on vous a décrit donc la crise grand mal, hein, la crise tonico-clonique, hein, où là, il y a d'abord donc une perte de conscience, puis ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les clonies, c'est-à-dire des mouvements anormaux, bref, répétés des membres, et puis ensuite, une certaine raideur de ces membres, c'est la phase tonique. Et derrière, il va y avoir ce qu'on appelle le déficit post-critique, et donc qui va pouvoir durer. Alors là, c'est peut-être là les 15 minutes, c'est peut-être le déficit post-critique qui va pouvoir durer plusieurs minutes. Mais je suis d'accord avec Antoine, la crise par elle-même est souvent brève. Si on revient par exemple aux absences, les crises durent quelques secondes. Hein. C'est-à-dire que l'enfant va avoir une rupture de contact, donc il va avoir le regard fixe, et puis quelques secondes après, il va reprendre son activité là où il l'avait laissé. Et ces crises peuvent se répéter dans la journée. Et c'est des crises, par exemple, qui sont souvent détectées par les institutrices et instituteurs pendant la classe. Oui, ça survient. Généralement, les premières crises d'absence surviennent vers 5 ans, 7 ans. Et là, c'est difficile même pour les enfants d'expliquer ce qui leur arrive et d'en parler autour d'eux, finalement. Oui, bien sûr. C'est surtout l'entourage qui va... Souvent, l'entourage va penser qu'ils sont dans la lune, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu ailleurs. Oui. Et puis quand même, quand il va y avoir, comme a dit Eric, des petits signes, par exemple les paupières qui vont cligner comme ça, des petits mâchonnements, là, c'est plus qu'être dans la lune, et c'est là que généralement l'instituteur et ou les parents vont aller consulter. La méthode scientifique, Antoine Beauchamp. À 16h16, vous écoutez La méthode scientifique sur France Culture et on parle aujourd'hui d'épilepsie avec nos invités Eric Le Guern et Antoine de Police. Antoine de Police, si on rentre dans le cœur de ces foyers épileptiques dont on parlait tout à l'heure, que se passe-t-il d'un point de vue neurobiologique avant, pendant et après une crise épileptique? Alors avant, on aimerait bien le savoir, c'est un peu le but de nos recherches. Pendant, je pense qu'il y a un consensus pour dire que pendant une crise, il y a ce qu'on appelle la synchronisation de neurones qui vont s'hyperexciter pendant la durée de la crise. Alors s'hyperexciter, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils vont générer des influx nerveux, ce que nous appelons des potentiels d'action, de façon plus fréquente, plus abondante. Mais surtout, et ça c'est moi le mécanisme qui m'intéresse le plus, c'est qu'ils ont cette capacité d'envoyer tous ces influx nerveux exactement en même temps. Ils sont synchrones. Ils sont synchrones, exactement. Et cette synchronisation va durer le temps de la crise, et elle va concerner des milliers, des millions, voire des milliards de neurones. On a quand même plus de 80 milliards de neurones dans le cerveau. Dans une crise généralisée, je pense qu'il serait naïf de penser que tous les neurones du cerveau sont synchronisés, mais il y a sûrement quelques milliards de neurones qui vont se synchroniser en l'espace en moins d'une seconde. Et ça, c'est comment ils arrivent à se synchroniser en un laps de temps aussi court. C'est une des grandes questions qu'on essaie de comprendre avec plusieurs hypothèses. Qu'on examine, nous, au laboratoire à Grenoble, mais aussi d'autres, on n'est pas les seuls, évidemment, dans le monde. Il y a des hypothèses de chef d'orchestre, c'est-à-dire de neurones qui vont, en quelque sorte, mener les autres, synchroniser les autres. Il y a une hypothèse aussi sur ce qu'on appelle les cellules gliales, ces autres cellules du cerveau, qui sont 5 à 10 fois plus nombreuses que les neurones dans le cerveau. On y avait consacré une émission, justement. Voilà, qui ont, en contactant plusieurs dizaines de neurones peuvent justement les synchroniser. C'est une hypothèse qui est très débattue. Il y a également, et nous c'est actuellement notre hypothèse de travail, le rôle de ces neurones qui sont inhibiteurs. Ça paraît un petit peu paradoxal, hein, puisqu'on parle d'excitation dans l'épilepsie. Mais il faut savoir que les neurones inhibiteurs, certains peuvent battre la mesure en quelque sorte. Et quand ils sont actifs, ils vont inhiber les neurones excitateurs, et donc quand ils arrêtent de les inhiber, tous les neurones excitateurs vont se caler en même temps, et en répétant ceci, on va avoir une synchronisation due à cette inhibition répétée de certains types de neurones. Éric Le Guern, là on comprend bien finalement que cet état, si on le résume grossièrement, de court-circuit peut intervenir à n'importe quel endroit du cerveau, ce qui va provoquer des réactions différentes, par exemple des troubles du langage, des troubles de la vue, des troubles de l'audition, c'est ça? Exactement. En fonction donc de la partie du cortex qui va être donc mise en jeu pendant la crise épileptique, ce qu'on appelle le foyer, et comme en fin de compte ce foyer va se trouver dans une partie du cortex qui a une fonction déterminée, eh bien généralement ce foyer, lorsqu'il va décharger de façon synchrone, eh bien va perturber cette fonction. Par exemple, vous pouvez avoir des hallucinations visuelles lorsque le foyer est plutôt occipital. Lorsqu'on est en temporal, vous pouvez avoir des hallucinations auditives. Vous pouvez aussi avoir à peu près dans les mêmes, la même région du lobe temporal, vous pouvez avoir plutôt des sensations, hein, des sensations épigastriques, des sensations de malaise qui se répètent. Donc vous voyez, des fois des choses qui sont difficiles à mettre en évidence et difficiles à relier à une hyperactivité, une synchronie neuronale. Donc Antoine, dans son laboratoire, fait de la physiologie, hein, donc il s'intéresse à l'activité neuronale et aux circuits neuronaux. Dans notre laboratoire, je dirais qu'on s'intéresse aux gènes et aux protéines qui vont pouvoir donner ces épilepsies. Et évidemment, on s'intéresse beaucoup aux épilepsies qui vont être familiales, héréditaires. On va y revenir justement dans la partie recherche, qu'on consacrera à la recherche un peu plus fondamentale sur la génétique de l'épilepsie. En ce qui concerne ces crises d'épilepsie, Antoine de Polis, concernant les causes, comment on arrive à déterminer les causes de crises d'épilepsie? Là encore, c'est très compliqué puisque ces causes peuvent être plurifactorielles. Tout à fait. Il y a plein de causes. En fait, j'ai parlé tout à l'heure des traumatismes crâniens, des accidents vasculaires cérébraux. Ça peut être aussi certaines infections, des méningites. Ça peut être une tumeur cérébrale. Puisque, comme on le disait tout à l'heure, une crise, c'est avant tout un symptôme. Et c'est souvent les crises qui vont attirer l'attention du médecin sur la possibilité, surtout sur une personne plus âgée, qu'il y a une tumeur qui se développe ou qu'il y a eu un AVC qui est passé inaperçu. Dans le cas des épilepsies de l'enfant, c'est beaucoup plus compliqué. On a tendance à appeler ces épilepsies. Alors maintenant, on dit génétique, ce qui moi trouble beaucoup. Oui, parce qu'on les appelait idiopathiques avant. Voilà, on les appelait idiopathiques avant, ce qui était un aveu d'échec quelque part, parce que ça voulait dire qu'on ne savait pas d'où ça venait. Maintenant, de les appeler génétiques, pour moi, c'est un petit peu maladroit, parce que dans l'esprit des gens, qui dit génétique des héréditaires, et là, je laisserai Eric le soin d'expliquer la différence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a sûrement des gènes, et là aussi, je laisserai aux spécialistes le soin d'expliquer ça. Je pense, alors nous, en tant que physiologistes, à Grenoble et ailleurs, ce qu'on essaie de voir, c'est comment un réseau épileptique, c'est-à-dire un réseau de neurones, se mal connecte, en quelque sorte, et comment il est capable de progressivement générer des crises d'épilepsie. Et ça, on a la chance, on en reparlera tout à l'heure, d'avoir des animaux qui deviennent progressivement épileptiques dès leur plus jeune âge. Et ça nous permet justement d'étudier comment se construit ce réseau épileptique. Et l'une des hypothèses, c'est qu'il y a peut-être trop de ces neurones inhibiteurs qui peuvent synchroniser, ou que de façon générale, il y a une sorte d'hyperconnectivité qui se développe, ou qui ne se corrige pas. Il faut savoir que le cerveau, lorsqu'il mûrit, va développer des arborisations. Il va y avoir une phase d'élagage au cours de comme un beau jardin. On va couper les branches en trop. Et ça, il y a des cellules spécialisées là-dedans pour nettoyer un petit peu et faire que l'architecture cérébrale soit bien propre, bien nette. Et il semble que c'est une hypothèse là aussi, que dans certaines maladies, c'est pas réservé à l'épilepsie, mais certaines maladies du cerveau ou certaines maladies neurodéveloppementales, il y a ce défaut d'élagage au cours de la maturation cérébrale. Éric Le Guern, on comprend donc qu'il peut y avoir des causes accidentelles, des AVC ou bien d'autres types de causes accidentelles. Quand on a établi ça, une fois que finalement on ne détermine pas de cause accidentelle à une épilepsie, est-ce qu'il y a d'autres types de causes? On évoquait justement ces causes génétiques. Alors, quelles sont les causes génétiques bien établies? Il y a les causes génétiques. Donc, et là, il faut bien différencier entre l'épilepsie héréditaire, qui est donc génétiquement déterminée par une mutation dans un gène. C'est aussi pour ça qu'on appelle ces épilepsies des épilepsies monogéniques. Et dans ce cadre-là, on est dans une maladie héréditaire, donc on va pouvoir identifier des modes de transmission. Et à partir de ces modes de transmission, eh bien, on va pouvoir donner, par exemple, à un parent qui est atteint d'une épilepsie, on va pouvoir donner, eh bien, un risque à la descendance. Alors, tout le monde a entendu parler des archétypes, des modes de transmission, autosomique dominant, autosomique récessif. Ça doit vous rappeler un certain nombre de souvenirs. Vaguement, je pouvais renvoyer. Voilà. Et donc, dans la maladie autosomique dominante, alors je voudrais rappeler qu'on a deux copies de chaque gène. Hein, par exemple, on a deux chromosomes 11, deux chromosomes 17. Et bien, sur les deux chromosomes 17, on a les mêmes gènes. Mm-hmm. Donc, on a deux copies par gène. Et bien, il suffit d'une mutation sur une des deux copies. Et bien, pour développer une épilepsie. Donc on imagine très bien qu'un parent qui est épileptique, dans ce cadre des maladies monogéniques, eh bien il va pouvoir donner soit la copie mutée à son enfant, soit la copie non mutée. Donc le risque à la descendance, il est simple, il est de 50%. Donc vous voyez que simplement en regardant l'arbre généalogique, c'est-à-dire en voyant plein d'atteints sur toutes les générations, on peut dire c'est autosomique dominant, et donc là le risque est de 50%. Il y a l'autre grand mode de transmission qui est autosomique récessif. Là, il pourrait être malade, pour développer une épilepsie, il faut avoir les deux copies mutées. Alors souvent c'est ce qu'on appelle une transmission horizontale, c'est un peu abusif, mais en fin de compte les deux parents sont sains et ont chacun une copie du même gène muté. Et c'est lorsqu'ils vont transmettre chacun la copie mutée à leur enfant, que donc cet enfant aura les deux copies mutées qui développera la maladie. Et là, avec un calcul très simple, eh bien on sait que le risque de récurrence dans la fratrie, il est de 25%. Donc vous voyez que dans ces formes-là, on arrive, même sans connaître la mutation, à donner un calcul de risque qu'on appelle a priori en génétique. Et évidemment, dans ce cas-là, il faudra ensuite rechercher la mutation, parce que là, on pourrait être beaucoup plus précis en termes de conseils génétiques. Alors là, il faut savoir que ces formes sont quand même, c'est à peu près 10% de toutes les épilepsies. C'est difficile à évaluer et d'une publication à l'autre, peut-être d'une population à l'autre, ces pourcentages peuvent varier, mais c'est en gros 10%. Et puis, il y a le problème, comme l'a soulevé Antoine, de ces épilepsies généralisées qu'on appelait idiopathique parce qu'on ne connaissait pas la cause et qui depuis 5-6 ans, alors ça a été une décision d'un groupe international de réflexion sur l'épilepsie, ils ont caractérisé ces épilepsies généralisées idiopathiques en épilepsie généralisée génétique. Or là, le mode de transmission, c'est pas un mode de transmission monogénique comme je viens de les décrire. Là, on pense plutôt, l'hypothèse centrale, c'est que vous allez avoir chez le même individu des variants dans plusieurs gènes qui vont déterminer l'épilepsie. Et en plus, ces variants dans les gènes vont interagir avec des facteurs environnementaux. Donc vous voyez que là, préciser le risque de récurrence est beaucoup plus difficile. Alors il y a eu là aussi des études plutôt épidémiologiques pour essayer de déterminer ces risques. Et aujourd'hui on peut dire qu'on est autour de 10%, voire moins, de risque pour un parent avec épilepsie de transmettre l'épilepsie à son enfant. Antoine de Police, on parlait à l'instant de l'identification des causes des crises d'épilepsie. Une fois qu'on a identifié ces causes, qu'on a identifié l'épilepsie, il faut passer à la phase du traitement. 60 à 70 personnes répondent aux médicaments, mais ça reste un tiers, en gros, des patients ne réagissent pas au traitement. Comment ça se passe et où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là? Alors, il y a eu beaucoup de traitements développés, beaucoup de molécules, de médicaments antiépileptiques développés au cours de ces 30 dernières années. Ce qui fait qu'on est très fiers, nous les épileptologues, de dire on a bien bossé quand même. Hein, avec pas grand-chose de nouveau en termes de pharmacorésistance. Donc, c'est ces patients qui ne répondent jamais aux médicaments antiépileptiques ou ne répondent plus. C'est-à-dire qu'il y a une phase, une sorte de lune de miel qui peut durer quelques années où ils répondent bien aux médicaments antiépileptiques appropriés. Parce qu'une fois de plus, on a dit qu'il y avait plusieurs formes d'épilepsie et les traitements vont différer selon les formes d'épilepsie. Et donc, chez ces patients chez lesquels aucun médicament ne marche vraiment, il y a plusieurs solutions qui ont été développées. Alors, la plus classique, quand elle est possible, c'est la chirurgie. C'est-à-dire, on va faire une résection de la partie du cerveau qui génère la crise d'épilepsie. Alors ça paraît facile à dire, mais c'est évidemment quelque chose qui est assez lourd, où il va falloir bien sûr localiser le foyer épileptique avec différentes techniques d'imagerie, mais la neuropsychologie peut aussi aider. Et ça implique surtout que la zone du cerveau en question ne soit pas du tout une zone clé. Exactement. Et ça, le meilleur moyen pour le savoir, pour le déterminer, c'est d'implanter des électrodes profondes. C'est une technique qui a été inventée en France dans les années 50 par Banco et Talleyrac à Paris, à l'hôpital Sainte-Anne, et qui a fait des émules dans une bonne partie de l'Europe. Étonnamment, pas tellement aux États-Unis, mais bien sûr au Canada. Et c'est une technique qui permet vraiment de localiser d'où viennent les crises, et donc de resséquer, c'est-à-dire d'enlever, de guider le geste du neurochirurgien pour qu'il enlève uniquement la partie qui génère les crises, quand c'est possible. Ça veut dire en évitant, comme vous dites, une partie du cerveau, ce qu'on appelle le cortex éloquent, c'est-à-dire si c'est dans une région proche de l'aire du langage, par exemple, le neurochirurgien ne pourra pas faire grand-chose. Et donc, il y a toute une exploration qui va être beaucoup plus complexe que celle des patients épileptiques qui répondent aux médicaments. Exploration qui va prendre plusieurs mois avec de la neuroimagerie, de l'électroencéphalographie classique, mais aussi de l'électroencéphalographie en profondeur, ce qu'on appelle la stéréo-électroencéphalographie, de façon à déterminer exactement la partie du cerveau à enlever. Là, on parle de techniques invasives. Éric Logan, est-ce qu'il existe des pistes pour des traitements non-invasifs ? Je crois que, alors là, vous vous adressez aux généticiens, vous avez parlé de la thérapie génique, mais bien avant ça, je crois que c'est surtout le développement de nouvelles molécules, qui est vraiment un champ d'investigation extrêmement important. Et alors, les traitements non invasifs, c'est ça, c'est la pharmacologie, c'est de trouver, alors, là, je reviens un peu sur mon fonds de commerce, la génétique. C'est que on identifie des gènes, on identifie donc des voies neuronales qui sont en cause, et ça va donner ce qu'on appelle des cibles. L'ensemble des protéines qui vont participer à la voie neuronale qui est touchée vont pouvoir être des cibles vis-à-vis desquelles certaines molécules pourront avoir une action soit activatrice, alors comme on appelle pour les récepteurs des agonistes, soit inhibiteur des antagonistes, par exemple toujours de récepteurs. Et donc, on va y revenir peut-être, mais une bonne partie de la recherche en épilepsie, c'est en fin de compte de décrypter ces voies qui sont en jeu pour trouver ces fameuses cibles. Justement, ne déflorons pas le sujet trop vite, on va y revenir. Je voudrais juste revenir avec vous, Antoine de Police, sur ces méthodes non-invasives qui sont envisagées. Est-ce que, par exemple, il y a des méthodes de neurostimulation qui sont envisagées dans le cadre pour traiter des épilepsies ? Alors, il y a des méthodes de neurostimulation. Nous, on a travaillé à Grenoble. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai quitté Strasbourg, où j'ai passé 25 ans, pour ensuite, en 2003, venir à Grenoble. Car à l'époque, les stimulations intracérébrales profondes qui sont utilisées pour traiter la maladie de Parkinson, développée par Alim Ben Abid à Grenoble, étaient très prometteuses parce que nous, en parallèle, on avait mis en évidence le fait qu'il existe dans le cerveau des circuits qui vont contrôler les synchronisations neuronales anormales. Et ces circuits sont assez proches de ceux qui sont déficients dans la maladie de Parkinson. Donc, on a fait pas mal d'expérimentations chez l'animal qui montrent qu'on pouvait utiliser ces neurostimulations intracérébrales profondes pour bloquer les crises. Mais je dis bien bloquer les crises, pas soigner la maladie. Alors, il y a eu des essais chez l'homme, certains convaincants, d'autres moins convaincants. C'est une technique actuellement qui est très controversée. Il y a eu des grandes études aux États-Unis qui n'ont pas été très concluantes. Une autre technique de neurostimulation, de neuromodulation, c'est de stimuler le nerf vague, qui est un des 10 nerfs crâniens, et avec des mécanismes qu'on comprend pas trop, il semble que chez certains patients, ça diminue la probabilité d'une crise. Toujours pareil, on soigne, on réduit la probabilité de crise, mais on les supprime pas. Epilepsy is dancing, she's a Christ now departing, and I'm finding my rhythm as I twist in the snow. Oh, the metal burned in me, down the brain of my river, or the fire was searching for a waterway home. I cry, glitter is love, my eyes pinned inside with green jewels, hanging like Christmas stars from a golden veil. As I came to a screaming, hold me while I'm dreaming, for my fingers are curling and I cannot breathe. Then I cried in the kitchen, how I seen your ghost witching. There's a soldering blue line between my eyes. Cut me a quadra. On écoutait à l'instant Epilepsy's Dancing d'Anthony and the Johnsons, puisque nous parlons tout au long de cette heure d'épilepsie dans la méthode scientifique avec nos invités Éric Le Guerne, qui est chef de l'équipe génétique et physiopathologie de l'épilepsie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et Antoine de Polis, neurobiologiste, directeur de recherche à l'INSERM, à l'Institut des neurosciences de Grenoble. On va justement parler ensemble de la recherche autour de l'épilepsie, et aborder dans cette deuxième partie les enjeux de la recherche qui lui sont liés. L'épilepsie, on l'a dit, c'est une maladie qui a dans une proportion importante de cas des origines génétiques. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Vous êtes allé à l'Institut du cerveau de la moelle épinière à Paris, où une équipe de recherche étudie la cause génétique de l'épilepsie dite focale. Oui, selon les spécialistes, environ 2/3 des épilepsies ont une composante génétique. La cause de cette forme de maladie n'est pas purement héréditaire, ce qui est assez rare. On parlait des maladies monogéniques, mais proviendrait plutôt de mutations qui surviennent au cours de la grossesse dans la phase embryonnaire. J'ai retrouvé votre collègue Stéphanie Bollack qui co-dirige l'équipe. Qui co-dirige avec moi. Oui, exactement. Oui. Elle co-dirige l'équipe génétique et physiopathologie des épilepsies familiales. Avec son équipe, elle cherche les gènes qui sont impliqués dans ces formes d'épilepsie. Elle étudie les mécanismes moléculaires sous-jacents pour finalement développer de nouvelles voies thérapeutiques. Depuis 5 ans, je m'intéresse à des mutations qui n'ont pas été héritées par le père ou par la mère, mais qui sont arrivées au cours du développement cérébral dans le cerveau de l'embryon pendant la grossesse. On parle de mutations somatiques. Alors, nous avons une collaboration très étroite avec la Fondation Rothschild, qui opère des enfants qui ont une épilepsie pharmacorésistante. Et nous pouvons étudier sur le tissu cérébral, et bien rechercher ces mutations génétiques. Donc là, on est dans votre laboratoire, vous êtes entouré d'une équipe. Vous avez bénéficié de cette technique de séquençage au débit qui permet d'aller beaucoup plus vite et de cibler beaucoup plus précisément les gènes impliqués ou les voies de signalisation impliquées. Exactement. Donc alors, pour trouver ces mutations, effectivement, nous sommes dans une ère de séquençage à haut débit qui nous permet non seulement de séquencer l'intégralité des gènes d'un individu donné, mais également de faire un séquençage de très haute profondeur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir détecter des mutations qui sont présentes dans juste une petite fraction de cellules. Ici, c'est l'espace donc de travail où chaque étudiant postdoctorant a son bureau. Et puis là, nous allons maintenant dans l'espace que l'on appelle paillasse. Et c'est là que nous allons effectuer un certain nombre d'expériences où chacun, vous voyez, a sa petite organisation avec son jeu de pipette, ses portoirs à tubes, etc. Vous travaillez sur des modèles animaux pour éventuellement ensuite développer des traitements thérapeutiques. Voilà, tout à fait. Alors récemment, nous avons étudié tout particulièrement un gène dénommé DEPDC5. Et nous avons introduit cette mutation de DEPDC5 chez une souris qui récapitule extrêmement bien les caractéristiques cliniques et neuropathologiques qui sont retrouvées chez les patients. Donc ici, c'est Lorraine qui est en stage de master. Elle va préparer bientôt un doctorat. Et là, elle est en train de faire une lyse de cerveau de souris. Alors, vous voyez, là, elle a mis un demi-hémisphère de cerveau de souris dans un tube. Elle ajoute un détergent qui va donc briser la paroi des membranes de ces cellules pour qu'on puisse extraire les protéines et regarder le niveau d'expression des protéines. Alors, ce qui est très important en épilepsie, c'est évidemment l'activité neuronale. Et donc, il est important de pouvoir mesurer l'activité électrique de ces neurones. Et donc, ici, nous avons Charlotte Deleuze, qui est chercheure en électrophysiologie justement, et qui va enregistrer l'activité des neurones sur des tranches de souris, mais également sur des tranches de tissu humain suite à une résection chirurgicale. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des tranches de cerveau et on met une pipette de verre et on descend proche de la cellule et on enregistre soit l'activité d'une cellule isolée, soit l'activité d'un réseau de neurones. Et pour ça, on utilise une autre technique où on pose la tranche de cerveau sur une espèce de grille avec 64 électrodes. Et dans ces cas-là, on enregistre l'activité au niveau des 64 sites. Et du coup, ça donne une activité de l'ensemble d'un réseau de neurones et donc au sein d'une région. Et on a plus une idée de s'il va y avoir ou pas quelque chose qui se synchronise au sein du cerveau. Donc voilà, ce qui est remarquable également, c'est que donc on est capable à l'ICM d'enregistrer du tissu humain post-opératoire. Donc en général, quelqu'un de l'équipe va se rendre au bloc opératoire. La personne est déjà partie là ce matin, revient le plus rapidement possible. Et à partir de cette pièce, Charlotte Deleuze va donc pouvoir faire des tranches et enregistrer immédiatement après, quelques heures après, l'activité de ces neurones. Alors une fois que les enregistrements électrophysiologiques sont terminés, il y a toute une phase d'analyse des données. Et nous, de notre côté, on va fixer le tissu, c'est-à-dire qu'on va ajouter un agent fixateur pour pouvoir ensuite réaliser des immunomarquages et regarder l'expression, par exemple, de certaines protéines, etc. Mais on peut également, sur le plan génétique, récupérer cette tranche de tissu, extraire l'ADN, extraire l'ARN et regarder si notre mutation d'intérêt est présente dans ces tissus, etc. Et un de nos projets, de nos challenges pour l'année en cours, c'est de pouvoir corréler l'activité neuronale d'un neurone unique, puis après l'enregistrement, de pouvoir séquencer l'ADN de cette cellule unique, ainsi que son transcriptome, pour regarder finalement l'état physiologique de ce neurone. Alors ici, c'est Alexandre Bach qui étudie un modèle de souris épileptique qui fait ce qu'on appelle des SUDEP, c'est-à-dire des morts subites. Tout à fait. L'intérêt de faire des modèles animaux à partir des découvertes génétiques qui ont été faites en amont, c'est de pouvoir modéliser la pathologie. Et là, c'est vraiment d'avoir pu caractériser que ce gène pouvait conduire à des morts subites. Et on peut, suite à ça, vraiment disséquer le cerveau, voir quelles régions sont impliquées, qu'est-ce qui va conduire à ça, quelle est la fonction vraiment de ce gène au sein d'un organisme vivant. Donc là, on se rend sur la plateforme technologique. On se rend maintenant sur la plateforme iGenSeq, qui est notre plateforme de séquençage. Et je vais vous montrer notre nouveau séquenceur de dernière génération, qui s'appelle le NovaSeq, et qui permet de faire du séquençage sans précédent en termes de quantité, mais également de profondeur, puisque, comme je vous le disais, les mutations somatiques qui sont présentes dans le cerveau de ces enfants, il est nécessaire d'avoir un séquençage de très haute profondeur pour pouvoir les détecter. Alors nous nous dirigeons vers le séquenceur de dernière génération. Alors pourquoi elle est dans une salle isolée par rapport à tous les autres? Alors c'est un appareil qui a besoin d'être dans une pièce avec une température contrôlée, une extraction d'air, etc. Donc voilà l'engin. C'est énorme. C'est assez énorme, effectivement. En termes de volume. Et c'est donc le personnel technique de la plateforme qui va réaliser la préparation des échantillons, de l'ADN extrait du sang, du cerveau, de souris, etc. Et donc à partir de ces ADN-là, le personnel technique va préparer ce qu'on appelle des librairies et puis ensuite va pouvoir charger le séquenceur. Il y a ensuite un gros travail de bioinformatique qui doit être réalisé pour pouvoir lire en fait ces séquences. Donc en fait vraiment au niveau thérapeutique, là vous êtes assez proche de trouver des pistes thérapeutiques, en tout cas pour traiter cette forme d'épilepsie. Oui, tout à fait. Donc le type d'épilepsie sur lequel nous travaillons, nous avons trouvé des mutations dans plusieurs gènes qui appartiennent à une voie de régulation de la cellule qui s'appelle la voie mTOR. Et il existe de nombreux inhibiteurs pharmacologiques de cette voie mTOR. Donc pour le moment, effectivement, nous envisageons de les tester sur nos modèles souris, mais également in vitro, sur nos cellules en culture, pour voir si on peut effectivement améliorer le phénotype cellulaire ou le phénotype chez la souris. Et ensuite, évidemment, envisager un transfert vers l'homme. Voilà pour ce panorama complet de ce que peut faire une équipe scientifique qui cherche à comprendre les causes génétiques de certaines épilepsies focales. Alors Antoine de Polis, une éventuelle réaction à ce reportage ? Oui, alors c'est une approche bien sûr qui est très performante, très intéressante, parce que ce que je retiens aussi, c'est que, et moi j'y tiens beaucoup, les chercheurs en génétique peuvent, à partir de leurs connaissances, générer des animaux épileptiques grâce à la technique de transgénèse. Donc, sur la base d'une hypothèse, ils vont créer un nouvel animal, qui est un animal transgénique, qui va ou ne va pas reproduire les mêmes symptômes que la forme d'épilepsie qu'ils étudient. Moi, j'ai une approche qui est peut-être plus classique, puisqu'on a eu la chance, en quelque sorte, ou l'opportunité, la sérendipité, je dirais même, de découvrir qu'on avait des animaux, des rats de laboratoire qui étaient épileptiques, avec une forme bien particulière d'épilepsie qui est l'épilepsie absence. Ça remonte à plus de 30 ans, ça se passait à Strasbourg. Et c'est un modèle animal qui est parfaitement validé, je dirais, aussi bien sur les causes de la maladie, les circuits impliqués, la pharmacologie, et qui est extraordinairement prédictif. C'est ce qu'on demande à un modèle, c'est de pouvoir prédire ce qui va se passer chez l'homme. Et donc ces animaux, on les étudie depuis donc plus de 30 ans pour comprendre comment un circuit épileptique se met en place au cours de la maturation du cortex, donc cette région du cerveau qui va générer les crises. Et en utilisant plusieurs techniques au cours de ma carrière, j'ai pu utiliser bien sûr des techniques d'électroencéphalographie, mais aussi des techniques d'imagerie. Actuellement, on utilise la capacité de certains virus, le virus de la rage, pour remonter les synapses. C'est une des caractéristiques du virus de la rage. Et donc pour marquer ces circuits et découvrir qu'il y a très vraisemblablement une hyperconnectivité qui se développe dans certaines régions du cortex chez ces rats, et donc qui nous laisse supposer qu'il y aurait les mêmes mécanismes chez l'homme. Eric Le Garn, pour revenir au reportage, on était à la maison puisqu'on était dans votre laboratoire. Oui, dans l'équipe que je co-dirige avec Stéphanie Bollac. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de ces travaux que vous menez actuellement ? On entendait parler par exemple d'un gène, le DPDC5. Alors, quelle est l'importance de ce gène ? Bon, j'ai quelques commentaires parce qu'il y a un concept, une idée qui a été introduite dans le reportage, c'est la mutation somatique. Et donc, ça c'est relativement récent en génétique de l'épilepsie. Je vous ai parlé jusqu'à maintenant des mutations qui étaient transmises d'un parent à l'autre. Eh bien, on s'aperçoit de plus en plus qu'une mutation peut intervenir lors du développement embryonnaire, développement fœtal. Et dans ce cas-là, vous n'allez avoir qu'une petite partie de neurones qui vont présenter cette mutation. Alors, avec le gène de PDC5, c'est un peu particulier, parce qu'on va mêler les deux types de mutations. Vous allez avoir ce qu'on appelle la mutation germinale, celle dont je vous ai parlé depuis le début de l'émission, et cette mutation va être transmise d'un individu à l'autre. Et la mutation somatique, qui va intervenir sur l'autre copie du gène DEPDC5, eh bien, va être identifié en particulier dans des anomalies du cortex qu'ont un certain nombre de patients avec des mutations transmises de DEPDC5. C'est ce qu'on appelle les dysplasies corticales. Et donc, ces dysplasies corticales donnent des foyers. Des fois, cette dysplasie corticale donne une épilepsie pharmacorésistante. Et donc, comme vous l'a dit Stéphanie, il faut aller enlever ce foyer. Eh bien, on s'est aperçu que dans ce foyer, les neurones étaient enrichis avec la seconde mutation, la mutation somatique qui est venue sur la copie, disons, qui n'était pas mutée par la mutation germinale qui avait été transmise. Donc, dans ce cas-là, dans ces cellules, il y a à la fois une mutation germinale de DEPD5 et la mutation somatique. Et on pense que c'est l'occurrence de ces deux mutations qui va donner donc des cellules anormales qui vont former cette dysplasie. Cette mutation-là du gène DEPDC5, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi elle intervient dans une voie de signalisation cellulaire baptisée mTOR, qui a, je crois, un rôle certain en cancérologie. Voilà, alors notre problème, c'est que cette voie mTOR, elle est partout, dans toutes les cellules. Et elle a un nombre de fonctions très, très nombreuses. Les fonctions de la voie vecteur sont très nombreuses et peuvent varier d'un tissu à l'autre. Et notre problème, c'est pourquoi des mutations de DEPDC5 qui interviennent dans cette voie vecteur ne donnent, entre guillemets, qu'une épilepsie. Parce que chez ces patients, seuls ces patients vont développer seulement une épilepsie. Donc, alors que cette voie mTOR, elle est touchée dans l'ensemble des tissus. Antoine de Polis, on l'entendait également dans le reportage, il y a une notion qui est importante, c'est la notion de modèles animaux, vous l'évoquiez également. Alors pourquoi ces modèles animaux sont particulièrement importants dans l'étude de l'épilepsie et de sa compréhension? Je crois qu'il y a eu au cours de ces dernières années un grand virage dans les modèles animaux. On a longtemps travaillé, l'industrie pharmaceutique en particulier, sur des modèles de crise. En deux mots, on prend un rat ou une souris, on lui donne un électrochoc, on lui injecte un convulsivant, ça induit une crise et on teste des molécules dessus. Je caricature à peine. Et on est plusieurs à se bagarrer contre ça parce que c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas découvert encore de bonnes thérapies pour ces épilepsies pharmacorésistantes. Et on se bat pour des modèles qui soient validés sur le plan étiologique si possible. C'est le cas des modèles génétiques, enfin d'origine génétique, qui sont induits par transgenèse, donc des animaux transgéniques en d'autres termes, et surtout des modèles où on va valider ils reproduisent bien tous les symptômes qu'on enregistre chez l'animal, et puis surtout chez le patient. Et puis surtout, des modèles de maladie. Et on l'a dit tout à l'heure, l'épilepsie, c'est une maladie chronique qui va durer plusieurs années. Donc il est important de créer un modèle animal où la maladie va durer pendant peut-être pas des mois et des mois, mais en tout cas plusieurs semaines, de façon à travailler, à comprendre cette chronicité et la survenue de crises spontanées. Vous évoquez également les pistes de recherche en matière de thérapeutique. On le disait, il y a un tiers des épilepsies qui sont pharmacorésistantes. Vous, à Grenoble, qu'est-ce que vous faites concrètement pour ces recherches et développer des nouvelles pistes thérapeutiques pour traiter l'épilepsie? Alors, c'est vrai qu'à Grenoble, c'est une place forte de la chirurgie de résection. Il faut savoir qu'il y a d'autres techniques qui se développent dans le monde. Il y a ce qu'on appelle les thermocoagulations, c'est-à-dire on tire profit qu'il y a du fait qu'il y ait des électrodes qui soient implantées lors de l'exploration des patients pour faire des petites coagulations. Dans certains cas, sur des foyers très réduits, ça peut être efficace. Il y a actuellement des thérapies qui se développent avec des techniques laser, des techniques par ultrasons également. Mais enfin, c'est vraiment, là, on est dans le domaine de la recherche. Mais il faut savoir également que, déjà depuis plusieurs années, il y a une radiochirurgie, c'est-à-dire une chirurgie qui utilise des rayons gamma qui s'est développée, en particulier à Marseille, avec un appareil qui s'appelle un gamma knife, qui est inspiré des radiothérapies utilisées pour les tumeurs cérébrales, avec des résultats qui sont pratiquement aussi bons, parfois même meilleurs, que la chirurgie de résection, surtout dans les zones qui sont difficiles à atteindre ou qui sont trop proches de régions éloquentes. Et puis nous, à Grenoble, on a la chance d'avoir le synchrotron européen, qui est un des plus puissants au monde, qui est un synchrotron de troisième génération, qui est en train de devenir de quatrième génération, parce que là, il a fermé depuis le mois de décembre, pendant 18 mois, pour renouveler tout ce qu'il y a dans cet anneau qui fait 800 mètres de diamètre. Et avec la puissance de tir de ce synchrotron, il est possible de fragmenter les photons, puisqu'on parle de photons, donc c'est des super rayons X. Et on a pu mettre en évidence que les micro-faisceaux qu'on peut générer, et on parle de faisceaux de 50 microns, alors que pour la radiothérapie classique, on parle de l'ordre du millimètre. Et bien avec ces micro-faisceaux, on peut, qui sont particulièrement puissants, on peut viser, là on est dans des techniques non invasives, un foyer épileptique et non pas le détruire, mais l'élaguer en quelque sorte. J'aime bien ce terme, un point au jardinage, parce que on a pu montrer récemment que on va supprimer un certain nombre de connexions. J'ai dit tout à l'heure que les foyers épileptiques étaient souvent des réseaux neuronaux hyper connectés, avec peut-être trop de connexions. Eh bien, les micro-faisceaux générés par synchrotron semblent réduire ces connexions, et le résultat, c'est qu'on a moins de synchronisation neuronale, et avec certains protocoles, on a pu montrer qu'on peut supprimer les crises de façon durable. Tout ça, c'est chez l'animal, dans des modèles animaux dont on vient de parler. Notre grande ambition, et on a déposé une demande de financement pour ça, c'est de passer à l'homme, parce que Ce qui est important à dire, c'est que ces micro-faisceaux sont particulièrement peu toxiques, contrairement à la radiochirurgie habituelle, avec des effets de divergence des faisceaux. Contrairement aux faisceaux gamma, les photons générés par le synchrotron ne divergent pas, donc on peut être particulièrement précis. Et c'est une forme, une nouvelle génération de radiothérapie qui se développe avec un très peu d'effets sur le tissu adjacent et surtout un très peu d'effets sur la vascularisation. Donc il n'y a pas de ce qu'on appelle d'ischémie, il n'y a pas de saignement en d'autres termes, il y a très peu d'œdème cérébral et donc peu d'effets secondaires et par contre un effet thérapeutique très intéressant. Éric Le Guerne, voilà pour quelques pistes thérapeutiques. Est-ce qu'en matière de génétique, on envisage la thérapie génique dans le traitement de l'épilepsie ? Certains l'envisagent, hein. mais tout dépend aussi du type de mutation. Parce que lorsque une mutation va amener à la non-expression du gène, on peut toujours imaginer qu'on va remplacer le gène par une copie active. Mais il y a plein de mutations où c'est le contraire. C'est le gène va donner une protéine mutée, mais qui va être encore plus actif. Donc vous voyez que déjà là, l'abord de la thérapie génique va être différent. Et puis aussi, je pense qu'il faut voir toujours ce qu'on appelle les side effects en anglais, les effets secondaires de ces thérapies géniques, parce qu'une thérapie génique, ça doit cibler les neurones qui sont en cause, et en évitant évidemment donc l'insertion de ces transgènes dans d'autres parties du génome, en particulier à côté de ce qu'on appelle les oncogènes, qui peuvent, s'ils sont perturbés, induire des tumeurs. Donc la thérapie génique est un concept très séduisant, mais qu'il faut manier avec, je crois, extrêmement de précaution. Je voulais revenir un peu sur ce que vient de dire Antoine. Et aujourd'hui, le généticien, donc à travers l'identification de ces gènes, va fournir, et il l'espère, des modèles animaux pertinents pour que soit décryptée la physiopathologie de l'épilepsie considérée. Parce que je pense qu'on ne pourra bien traiter que si on comprend bien les phénomènes qui nous amènent de la mutation dans le gène à la crise d'épilepsie. Parce qu'il faut voir qu'on part donc d'un gène et ensuite ce gène s'exprime dans un certain type de neurone. La mutation, elle est plus délétère dans un type de neurone que dans l'autre. Et ensuite, ce neurone, eh bien, il est dans un circuit qui est lui-même au sein d'un cortex. Donc, vous voyez que lorsque nous identifions une mutation dans un gène, c'est très important parce que, par exemple, on peut faire après du diagnostic génétique, mais ce n'est que le début d'une très longue histoire. Et je crois qu'il ne faut pas sauter des épisodes. Il faut bien comprendre les conséquences fonctionnelles de cette mutation au niveau du neurone, au niveau du tissu et au niveau du cortex. Antoine de Police. Oui, je rajouterais juste qu'il y a une autre approche de thérapie génique qui est celle de la reprogrammation. Il est possible, et un ancien membre de notre équipe, Christophe Heinrich, travaille maintenant à Lyon, qui a monté son équipe là-dessus, justement, a développé des techniques qui permettent de transformer une cellule, par exemple une cellule gliale dont on parlait tout à l'heure, en neurone, et même de lui faire exprimer un neurotransmetteur qui peut être excitateur, inhibiteur. Et ça, c'est justement pour travailler au niveau de ces circuits anormaux. C'est une approche qui me paraît très intéressante. Alors le temps file et on n'aurait pas assez d'une semaine pour évoquer toutes les questions liées à l'épilepsie. Vous vouliez rajouter un tout dernier mot, Antoine de Police, je crois, sur un projet de film qui vous tient à cœur autour de l'épilepsie. Oui, là ça me tient très à cœur. C'est un film qui est fait par Catherine Diran. Catherine Diran, on l'a tous entendu chanter Voyage en Italie dans les années 95. Elle a fait un film parce que Catherine Diran souffre de cette maladie, l'épilepsie. Et le film est terminé, il va y avoir une avant-première le 7 mai à Paris et ensuite il va tourner dans un circuit d'abord associatif. Et puis j'espère qu'il y aura un distributeur intelligent et sensible qui prendra ce film pour le distribuer, que tout le monde le voit. Ben, on va suivre ça avec grande attention. Merci beaucoup à vous deux, Éric Le Guerne, Antoine de Police, d'être venus nous éveiller aux enjeux et sont nombreux de la recherche autour de l'épilepsie et de la prise en charge des personnes qui en souffrent. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Éléonore Pérez, Tom Umdenstock, à la réalisation aujourd'hui Olivier Bétard, à la technique Clément Daté. Dans la méthode scientifique, demain nous tendrons l'oreille à la nature, puisque nous parlerons de bioacoustique et d'écoacoustique, des disciplines relativement récentes qui enregistrent les sons de la biodiversité.